Passion codée, mal écoutée. Sans traduction, commentaire insensé. S'il avait compris ce qu'elle disait, il serait resté ici à l'oublier. Loin de lui, son ami s'est installé. Sans la prévenir, il prit un billet. Lorsqu'il sonne à l'air, matador. Elle l'envoie dormir au dehors. Et mon télé maudit, choqué, vite ses yeux doux au mati. Et mon télé maudit, choqué, vite les quarts d'un poétique. L'aquarelle astrale.